Chapitre 6 Le château de Baskerville. Au jour indiqué, Sir Henry Baskerville et le docteur Mortimer se trouvèrent prêts et nous partîmes pour Devonshire ainsi que cela avait été convenu. Sherlock Holmes m'accompagna à la gare afin de me donner en voiture ses dernières instructions. « Oh, je ne vous troublerai pas, me dit-il, par l'exposé de mes théories ou par la confidence de mes soupçons. Je désire simplement que vous me teniez au courant des faits jusque dans leurs plus petits détails. Reposez-vous sur moi du soin d'en tirer les déductions qu'ils comporteront. « Quelle espèce de faits dois-je vous communiquer ? » demandai-je. « Oh, tous ceux qui vous paraîtront touchés à l'affaire, même de loin. » Renseignez-moi sur les relations du jeune Baskerville avec ses voisins et sur tout ce que vous pourrez recueillir de nouveau concernant la mort de Sir Charles. Je me suis livré ces jours derniers à quelques enquêtes dont le résultat, je le crains fort, aura été négatif. Une seule chose me semble certaine. M. James Desmond, l'héritier présomptif, est un parfait galant homme. Cette persécution n'émane pas de lui. Nous devons donc éliminer ce clergyman de nos calculs. Il ne reste plus que les personnes qui entoureront Sir Henry Baskerville sur la lande. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon de se débarrasser immédiatement du couple Barrymore ? Non, nous commettrions une faute. Innocence serait une cruelle injustice et coupable. Ce serait renoncer à la possibilité de les confondre. Non, non, conservons-les sur notre liste de suspects. Si je me souviens bien, il y a au château un cocher et sur la lande deux fermiers. Nous y trouvons également notre ami, le docteur Mortimer, que je tiens pour absolument honnête, et sa femme, sur laquelle nous manquons de renseignements. Il y a aussi le naturaliste Templeton et sa sœur, qu'on dit très attrayante. Puis c'est M. Frankland de Lofterhall, qui représente un facteur inconnu, ainsi que deux ou trois autres voisins. Vous devrez porter vos investigations sur ces gens-là. J'agirai de mon mieux. Je suppose que vous en portez des armes. Oui, j'ai cru bien faire de m'en munir. Certainement. Jour et nuit, ayez votre revolver à portée de la main et ne vous lâchez jamais de vos mesures de prudence. Nos amis avaient déjà retenu un wagon de première classe et nous attendaient sur le quai. Non, non, nous n'avons rien de neuf à vous apprendre, fit le docteur Mortimer en répondant à une question de mon ami. Je ne puis vous affirmer qu'une chose, personne ne nous a suivis depuis 2 jours. Nous ne sommes jamais sortis sans avoir regardé de tous côtés et un espion n'aurait pas échappé à notre vigilance. Vous ne vous êtes pas acquitté, je présume. Oh, seulement hier après-midi, quand je suis à Londres, je consacre toujours quelques heures aux distractions, je les ai passées au musée de l'Académie de chirurgie. Et moi, je suis allé voir le beau monde à Hyde Park, dit Baskerville. Une série, un produit extraordinaire. C'était tout de même imprudent, répliqua Graham Holmes en secouant la tête. Je vous prie, Sir Henry, de ne plus vous absenter seul, si vous ne voulez pas vous exposer à de grands malheurs. Avez-vous trouvé votre bottine ? Non, elle est bien perdue. C'est vraiment très curieux. Allons, adieu, ajouta-t-il comme le train commençait à glisser le long du quai. Puis il reprit. Souvenez-vous, Sir Henry, de l'une des phrases de la légende que le docteur Mortimer nous a lu. Évitez la lande à l'heure où l'esprit du mal chemine. Je passai la tête par la portière pour regarder encore le quai que nous avions déjà laissé bien loin derrière nous. J'aperçus la grande silhouette de Sherlock Holmes, immobile et tournée vers nous. Le voyage me parut court et agréable. J'employais le temps à faire plus ample connaissance avec mes compagnons et à jouer avec le caniche de Mortimer. Peu d'heures après notre départ, le sol changea de couleur, de brun il devint rougeâtre, le granit avait remplacé la pierre calcaire. Des vaches rousses ruminaient dans de grands pâturages, dénotant un pays plus fertile mais plus humide. Le jeune Baskerville, le visage collé aux vitres du wagon, contemplait avec intérêt le paysage et s'enthousiasmait à la vue des horizons familiers du Devonshire. « Oh, depuis que j'ai quitté l'Angleterre, dit-il, j'ai parcouru la moitié du monde, mais je n'ai jamais rien trouvé de comparable à ceci. »« Oh, il est rare de rencontrer un habitant du Devonshire, fis-je observer, qui ne soit pas épris de son comté. » Cela dépend tout autant de l'individu que du comté, repartit Mortimer. Un examen superficiel de notre ami révèle chez lui la tête du Celte, où sont fortement développées les bosses de l'enthousiasme et de l'attachement. Le crâne du pauvre Sir Charles présentait les particularités d'un type très rare, moitié gaélique et moitié hibernien. Vous étiez fort jeune, n'est-ce pas, Sir Henry, lorsque vous vînes au château de Baskerville pour la dernière fois? À la mort de mon frère, j'avais une dizaine d'années, mais je ne suis jamais venu au château. Nous habitions un petit cottage sur la côte méridionale de l'Angleterre. Je suis parti de là pour rejoindre un ami en Amérique. La contrée que nous traversons est aussi nouvelle pour moi que pour le docteur Watson. Cela vous explique l'extrême curiosité que la lande excite en moi. Vous allez pouvoir la satisfaire, dit Mortimer, en désignant la fenêtre du wagon. Vous devez l'apercevoir d'ici. Dans le lointain, au-dessus de la verdure des champs et dominant une pente boisée, se dressait une colline grise, mélancolique, terminée par une cime dentelée dont les arêtes à cette distance perdaient de leur netteté et de leur vigueur. Cela ressemblait à quelque paysage fantastique entrevu à travers un rêve. Baskerville tint longtemps les yeux fixés sur ce coin du ciel, et je lus sur son visage mobile l'impression que faisait sur son esprit la vue de cette contrée où ceux de sa race avaient vécu si longtemps et avaient laissé de si profondes traces de leur passage. Il était assis en face de moi, dans le coin d'un prosaïque wagon, vêtu de son complet gris, parlant avec cet accent américain fortement prononcé. Cependant que je détaillais sa figure énergique, je pressentais plus que jamais qu'il était vraiment le descendant de cette longue lignée d'hommes ardents et courageux. Il y avait de l'orgueil, de la vaillance et de la force sous ses épais sourcils, ainsi que dans ses narines mobiles et dans ses yeux couleur de noisette. Si, sur cette lande d'aspect sauvage, nous devions entreprendre une enquête difficile et périlleuse, nous aurions dans Sir Henry un compagnon avec lequel on pouvait tenter l'aventure, certain qu'il saurait en partager bravement tous les dangers. Le train stoppa à une petite station. Nous descendîmes. Dehors, au-delà d'une petite barrière peinte en blanc, attendait une voiture attelée de deux cobs. Notre arrivée constituait sûrement un grand événement, car le chef de gare et les hommes d'équipe se précipitèrent au-devant de nous pour prendre nos bagages. C'était une simple halte au milieu de la campagne. Je fus donc très surpris de remarquer que de chaque côté de la porte, deux soldats se tenaient appuyés sur leurs fusils. Quand nous passâmes près d'eux, ils nous dévisagèrent avec insistance. Le cocher, petit, trapu, salua Sir Henry Baskerville, et quelques minutes plus tard, nous roulions sur la route blanche et poudreuse. Nous traversions un pays vallonné couvert de pâturages. Le toit de quelques maisons s'élevait au-dessus des frondaisons épaisses des arbres, Mais au-delà de cette campagne paisible, illuminée par les rayons du soleil couchant, la longue silhouette de la lande se détachait en noir sur l'azur du ciel. La voiture s'engagea dans un chemin de traverse. Nous gravîmes ainsi des sentiers abrupts, bordés de hauts talus tapissés de mousse et de scolopendres, où, pendant des siècles, le passage des routes avait creusé de profondes ornières. Des fougères rouillées par la rosée, des ronces aux baies sanglantes étincelaient au dernier feu du soleil. Nous franchîmes un petit pont de granit et nous côtoyâmes un ruisseau qui fuyait rapidement sur un lit de cailloux grisâtres. La route et le ruisseau suivaient une vallée plantée de chênes rabougris et de sapins étis. Baskerville saluait chaque tournant du chemin par une exclamation de surprise. Tout lui semblait beau, tandis que j'éprouvais une indéfinissable tristesse à l'aspect de cette campagne qui portait les stigmates irrécusables de l'hiver déjà prochain. Tout à coup, Mortimer s'écria « Oh, regardez donc ça !» Une petite colline, une sorte d'éperon, formée par la lande et s'avançant dans la vallée, se dressait devant nous. Sur la cime, semblable à une statue équestre, nous aperçûmes un soldat à cheval, le fusil appuyé sur son bras gauche, prêt à faire feu. Il gardait la route par laquelle nous arrivions. « Mais que signifie ceci, Perkins ?» demanda Mortimer au cocher. Alors celui-ci se retourna à demi sur son siège. Un condamné s'est échappé il y a 3 jours de la prison de Princetown. On a placé des sentinelles sur tous les chemins et dans toutes les gares. On ne l'a pas encore retrouvé. Et les fermiers des environs sont bien ennuyés. Ah, je comprends. Il toucherait 5 livres de récompense en échange d'un petit renseignement. « Oui, monsieur, mais 5 livres de récompense représentent bien peu de choses en comparaison du danger qu'il court d'avoir le cou coupé. Oh, c'est pas un condamné ordinaire, il est capable de tout. »« Qui est-ce ?»« Selden, l'assassin de Notting Hill. » »« Je me souvenais parfaitement de ce crime. Il était un de ceux qui avaient le plus intéressé Sherlock Holmes en raison des circonstances particulièrement féroces qui entourèrent le crime et de l'odieuse brutalité avec laquelle l'assassin accomplit son forfait. Cependant, on avait commué la sentence de mort prononcée contre le coupable sur des doutes conçus à propos de sa responsabilité mentale. Notre voiture avait gravi une pente et devant nous se déroulait l'immense étendue de la lande. Un vent glacial qui la balayait nous fit frissonner. Ainsi donc, quelque part sur cette plaine désolée, se terrait comme une bête sauvage, cette infernale créature dont le cœur devait maudire l'humanité qu'il avait rejetée de son sein. Il ne manquait plus que cela pour compléter la lugubre impression produite par cette vaste solitude, cette bise glacée et ce ciel qui s'assombrissait davantage à chaque instant. Sir Henry Baskerville lui-même devint taciturne et serra plus étroitement autour de lui les pans de son manteau. Maintenant, les plaines fertiles s'étendaient derrière et au-dessous de nous. Nous voulûmes les contempler une dernière fois. Les rayons obliques du soleil abaissés sur l'horizon teintait d'or les eaux du ruisseau et faisait briller la terre rouge, fraîchement remuée par le soc de la charrue. Devant nous, la route, avec ses pentes rudes parsemées d'énormes rochers roussâtres, prenait un aspect de plus en plus sauvage. De loin en loin, nous passions près d'un cottage, construit et couvert en pierre, dont aucune plante grimpante n'atténuait la rigidité des lignes. Soudain, nous vîmes une dépression de terrain ayant la forme d'un entonnoir où croissaient les chênes entr'ouverts, ainsi que les sapins échevelés tordus par des siècles de rafales. Deux hautes tours effilées pointaient au-dessus des arbres. Le cocher les désigna avec son fouet. « Le château de Baskerville !» dit-il. Les joues empourprées, les yeux enflammés, Sir Henry s'était levé et regardait. Quelques minutes après, nous atteignîmes la grille du château, enchâssée dans des piliers rongés par le temps, mouchetés de lichens et surmontés de têtes de sangliers, armes des Baskerville. Le pavillon du portier n'était plus qu'une ruine de granit noir, au-dessus de laquelle s'enchevêtrait un réseau de chevrons dépouillés du toit qu'il supportait jadis. En face s'élevait un nouveau bâtiment dont la mort de Sir Charles avait arrêté l'achèvement. La porte s'ouvrait sur une avenue où les roues de la voiture s'enfoncèrent dans un lit de feuilles mortes. Les branches des arbres séculaires qui la bordaient se rejoignaient au-dessus de nos têtes pour former comme un sombre tunnel. Baskerville frissonna en apercevant cette lugubre allée à l'extrémité de laquelle on découvrait le château. Si, demanda-t-il à voix basse. Non, l'allée des ifs se trouve de l'autre côté. Je ne m'étonne pas que dans un endroit pareil, l'esprit de mon oncle se soit détraqué. Il n'en faut pas davantage pour déprimer un homme. Avant 6 mois, j'aurais installé là, ainsi que devant le château, une double rangée de lampes électriques. L'avenue aboutissait à une large pelouse au-delà de laquelle on distinguait le château. À la clarté pâlissante de ce soir d'automne, je vis que le centre était formé par une construction massive avec un portail formant saillie. La façade disparaissait sous les lierres. Les fenêtres et quelques écussons aux arbres des Baskerville coupaient çà et là l'uniformité de cette sombre verdure. De cette partie centrale montaient les deux tours, antiques, crénelées, percées de nombreuses meurtrières. À droite et à gauche de ces tours, on avait ajouté une aile d'un style plus moderne. « Soyez le bienvenu au château de Baskerville, Sir Henry, » dit une voix. Un homme de haute taille s'était avancé pour ouvrir la portière de la voiture. Une silhouette de femme se profilait dans l'encadrement de la porte. Elle sortit à son tour et aida l'homme à descendre les bagages. « Je vous demande la permission de rentrer directement chez moi, Sir Henry, » dit Mortimer. « Ma femme m'attend. Oh, vous ne voulez pas dîner avec nous ?»« Non, il faut que je m'en aille. Je dois avoir des malades qui me réclament. J'aurais été heureux de vous montrer le château, mais Barrymore sera un meilleur guide que moi. Au revoir, et si je puis vous rendre service, n'hésitez pas à me faire appeler à toute heure du jour ou de la nuit. » Le roulement de la voiture qui emmenait le docteur s'éteignit bientôt dans le lointain. Sir Henry et moi nous entrâmes dans le château et la porte se referma lourdement sur nous. Nous nous trouvâmes dans une grande pièce dont le plafond très élevé était soutenu par de fortes solives de chêne noircies par le temps. Dans une cheminée monumentale, un feu de bois pétillait sur de hauts chenets. Nous en approchâmes nos mains engourdies par le froid du voyage. Nous examinâmes curieusement les hautes et longues fenêtres aux vitraux multicolores, les lambris de chêne, les têtes de cerf et les armes accrochées au mur, le tout triste et sombre, sous la lumière atténuée d'une lampe accrochée au milieu du plafond. « C'est bien ainsi que je me représentais le château, » me dit Sir Henry. « Cela ne ressemble-t-il pas à quelques vieux tableaux d'intérieur ? La demeure n'a pas changé depuis 500 ans qui vivent mes ancêtres. » Tandis qu'il jetait les yeux autour de lui, son visage bronzé s'éclaira d'un enthousiasme juvénile. Mais à un moment, la lumière le frappa directement, alors que de longues traînées d'ombre couraient contre les murs, formant au-dessus de sa tête et derrière lui comme un dais funéraire. Barrymore était revenu de porter les bagages dans nos chambres. Il se tenait debout devant nous dans l'attitude respectueuse d'un domestique de grande maison. Il avait très bonne apparence avec sa haute taille, sa barbe noire coupée en carré et sa figure qui ne manquait pas d'une certaine distinction. « Désirez-vous qu'on vous serve immédiatement, monsieur ?» demanda-t-il. « Est-ce prêt ? Ou dans quelques minutes ? Vous trouverez de l'eau chaude dans vos chambres. Ma femme et moi, sœur Henri, nous serons heureux de rester auprès de vous jusqu'à ce que vous ayez pris vos nouvelles dispositions. Maintenant, l'entretien de cette maison va exiger un personnel plus nombreux. Pourquoi maintenant ? Je veux dire que sœur Charles menait une existence très retirée et que nous suffisions à son service. Vous, c'est tout naturel, vous recevrez davantage et nécessairement vous devrez augmenter votre domesticité. Dois-je en conclure que vous avez l'intention de me quitter ? Oui, mais seulement lorsque vous nous y autoriserez. Mais votre famille n'est-elle pas au service des Baskerville depuis plusieurs générations ? Je regretterais de commencer ma vie ici en me séparant de serviteurs tels que vous. Je crus découvrir quelques traces d'émotion sur le pâle visage du valet de chambre. Ma femme et moi, nous partageons ce sentiment, reprit Barrymore, mais à dire vrai, nous nous étions très attachés à Sir Charles. Sa mort nous a donné un coup doux et nous avons rendu tout pénible la vue de tous ces objets qui lui appartenaient. Oh, je crains que nous ne puissions plus supporter le séjour du château. Et qu'avez-vous l'intention de faire ? Nous sommes décidés à entreprendre quelques petits commerces. La générosité de Sir Charles nous en a procuré les moyens. Ces messieurs veulent-ils que je les conduise à leur chambre ? Une galerie courait autour du hall. On y accédait par un escalier à double révolution. De ce point central, deux corridors sur lesquels s'ouvraient les chambres traversaient toute la longueur du château. Ma chambre était située dans la même aile que celle de Sir Henry et presque porte à porte. Ces pièces étaient meublées d'une façon plus moderne que le reste de la maison. Le papier clair et les innombrables bougies allumées un peu partout effacèrent en partie la sombre impression ressentie de notre arrivée. Mais la salle à manger qui communiquait avec le hall était pleine d'ombre et de tristesse. On dressait encore la table sur une espèce d'estrade autour de laquelle devaient autrefois se tenir les domestiques. À l'une des extrémités de la pièce, une loggia réservée pour des musiciens dominait la salle. À la lueur des torches et avec la haute liesse des banquets du bon vieux temps, cet aspect pouvait être adouci. Mais de nos jours, en présence de deux messieurs vêtus de noir, assis dans le cercle de lumière projeté par une lampe voilée d'un abat-jour, la voix détonnait et l'esprit devenait inquiet. Toute une lignée d'ancêtres habillés de tous les costumes des siècles passés, depuis le chevalier du règne d'Élisabeth jusqu'au petit maître de la Régence, nous fixait du haut de ses cadres et nous gênait par sa muette présence. Nous parlâmes peu, et je me sentis soulagé, une fois le repas terminé, quand nous allâmes fumer une cigarette dans la salle de billard. « Bref, ce n'est pas un endroit folâtre, » dit Sir Henry. « Je crois qu'on peut s'y faire, mais je me sens encore dépaysé. » Je ne m'étonne pas qu'à vivre seul dans cette maison, mon oncle soit devenu un peu toqué. Vous plaît-il que nous nous retirions de bonne heure dans nos chambres ? Demain matin, les choses nous sembleront peut-être plus riantes. Avant de me coucher, j'ouvris mes rideaux pour jeter un coup d'œil sur la campagne. Ma fenêtre donnait sur la pelouse devant la porte du hall. Au-delà, deux bouquets d'arbres s'agitaient en gémissant sous le souffle du vent. Une partie du disque de la lune apparaissait dans une déchirure des nuages. À cette pâle clarté, je vis derrière les arbres la dentelure des roches, ainsi que l'interminable et mélancolique déclivité de la lande. Je refermai mon rideau avec la sensation que cette dernière impression ne ressemblait en rien à celle déjà éprouvée. Et cependant, elle devait être suivie d'une autre, non moins pénible. La fatigue me tenait éveillé. Je me retournai dans mon lit à la recherche d'un sommeil qui me fuyait sans cesse. Dans le lointain, une horloge à carillon sonnait tous les quarts. Elle rompait seule le silence de mort qui pesait sur la maison. Tout à coup, un bruit parvint à mon oreille, distinct, sonore, reconnaissable. C'était un gémissement de femme, le gémissement étouffé de quelqu'un en proie à un inconsolable chagrin. Je me dressai sur mon séant et j'écoutais avidement. Le bruit était proche et venait certainement de l'intérieur du château. Les nerfs tendus, je demeurai ainsi plus d'une demi-heure, mais je ne perçus plus que le carillon de l'horloge et le frôlement des branches de lierre contre les volets de ma fenêtre. Chapitre 7. Monsieur Stapleton de Merripit House. Le lendemain, la splendeur du matin dissipa un peu l'impression de tristesse laissée dans nos esprits par notre première inspection du château de Baskerville. Pendant que je déjeunais avec Sir Henry, le soleil éclaira les fenêtres à meneaux, arrachant des teintes d'aquarelle à tous les vitraux armoriés qui les garnissaient, et sous ses rayons dorés, les sombres lambris prenaient l'éclat du bronze. On aurait difficilement reconnu la même pièce qui, la veille, nous avait mis tant de mélancolie à l'âme. « Je crois, dit le baronnet, que nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes de ce que nous avons éprouvé hier. La maison n'y était pour rien. Le voyage nous avait fatigués, notre promenade en voiture nous avait gelés. Tout cela avait influé sur notre imagination. Ce matin, nous voilà reposés, bien portants, et tout nous paraît plus gai. « Je ne suis pas de votre avis, répondis-je, en ce qui concerne le jeu de notre imagination. Ainsi n'avez-vous pas entendu quelqu'un, ou une femme, je crois, pleurer toute la nuit ? Oui, dans un demi-sommeil, il me semble bien avoir entendu ce bruit, mais je l'ai écouté un instant, et le silence s'étant rétabli, j'en ai conclu que je rêvais. Moi, je l'ai perçu très distinctement, et je jurerais que c'était des gémissements de femmes. Il faut que nous éclaircissions ce fait. Sir Henry sonna Barrymore et lui demanda quelques explications. Aux questions de son maître, je crus voir le visage déjà pâle du valet de chambre pâlir encore davantage. « Oh, il n'y a que deux femmes dans la maison, Sir Henry, dit-il. La fille de cuisine qui couche dans l'autre aile du château et ma femme. Je puis vous affirmer qu'elle est absolument étrangère au bruit dont vous parlez. » Le domestique mentait certainement. Car après le déjeuner, je rencontrai Madame Barrymore dans le corridor. Elle se trouvait en pleine lumière. C'était là une grande femme impassible aux traits accentués, ayant sur les lèvres un pli amer. Elle avait les yeux rouges, et à travers ses paupières gonflées, Son regard se posa sur moi. Elle avait dû pleurer toute la nuit, et s'il en était ainsi, son mari ne pouvait l'ignorer. Alors pourquoi avait-il accepté le risque de cette découverte en déclarant le contraire? Pourquoi ce ton affirmatif et pourquoi, surtout, sa femme pleurait-elle si convulsivement? Déjà, une atmosphère de mystère et d'obscurité se formait autour de cet homme au teint pâle, porteur d'une superbe barbe noire. N'était-ce pas lui qui, le premier, avait découvert le cadavre, Sir Charles Baskerville? N'était-il pas le seul témoin qui pût nous renseigner sur les circonstances de la mort du vieux gentilhomme? Et qu'y avait-il d'impossible à ce qu'il fût le voyageur entrevu dans le cab à Londres? Sa barbe ressemblait étonnamment à celle de l'inconnu. Le cocher nous avait bien dépeint son client comme un homme plutôt petit, mais ne pouvait-il pas s'être trompé? Comment tirer cette affaire au clair? Évidemment, le plus pressé était d'interroger le directeur du bureau de poste de Grimpen et de savoir si le télégramme adressé à Barrymore lui avait été remis en bain propre. Quelle que fût la réponse, j'aurais au moins un détail à communiquer à Sherlock Holmes. Sir Henry avait de nombreux documents à compulser. Je mis à profit ce temps pour exécuter mon projet. Une promenade très agréable sur la lande me conduisit à un petit hameau au milieu duquel s'élevaient deux constructions de meilleure apparence que les autres. L'une était l'auberge, l'autre la maison du docteur Mortimer. Le directeur de la poste, qui se livrait également au commerce de l'épicerie, se souvenait fort bien du télégramme. « Oh, certainement, monsieur, me dit-il, on a remis la dépêche à Barrymore, ainsi que l'indiquait l'adresse. »« Qui l'a remise ?»« Mon fils, ici présent. » Le fonctionnaire épicier interpella un gamin qui baglodait dans un coin. « James, demanda-t-il, la semaine dernière, tu as bien remis une dépêche à monsieur Barrymore ?»« Oui, papa. » « À M. Barrymore lui-même, insistai-je. À ce moment-là, il était au grenier, et j'ai pas pu la donner à lui-même, mais je l'ai remise à Mme Barrymore, qui m'a promis de la lui porter aussitôt. »« As-tu vu, M. Barrymore ?»« Non, monsieur, je vous ai dit qu'il était au grenier. »« Mais puisque tu ne l'as pas vu, comment sais-tu qu'il se trouvait au grenier ?» Oh, « sa femme devait savoir où il était, » intervint le directeur de la poste. « N'irait-il pas reçu le télégramme? Ah, s'il y a erreur, que M. Barrymore se plaigne. » Il me semblait inutile de poursuivre plus loin mon enquête. Ainsi, malgré la ruse inventée par Sherlock Holmes, nous n'avions pas acquis la preuve du séjour de Barrymore au château pendant la semaine précédente. Supposons le contraire. Supposons que l'homme qui, le dernier, avait vu Sir Charles vivant, ait été le premier à espionner son héritier dès son arrivée en Angleterre. Alors quoi? Était-il l'instrument de quelqu'un ou nourrissait-il de sinistres projets pour son propre compte? Quel intérêt avait-il à persécuter la famille Baskerville? Je pensais à l'étrange avertissement découpé dans les colonnes du Times. Était-ce l'œuvre de Barrymore ou bien celle d'un tiers qui s'évertuait à contrecarrer ses desseins? Sir Henry avait émis la version la plus plausible. Si on éloignait les Baskerville du château, Barrymore et sa femme y trouveraient un gîte confortable et pour un temps indéfini. Certes, une semblable explication ne suffisait pas pour justifier le plan qui paraissait enserrer le baronnet comme dans les mailles d'un invisible filet. Holmes lui-même avait convenu que jamais au cours de ses sensationnelles enquêtes on ne lui avait soumis de cas plus complexe. Tout en retournant au château par cette route solitaire, je faisais des vœux pour que mon ami, enfin débarrassé de ses préoccupations, revînt vite me relever de la lourde responsabilité qui pesait sur moi. Soudain, je fus tiré de mes réflexions par un bruit de pas. Quelqu'un courait derrière moi en m'appelant par mon nom. Croyant voir le docteur Mortimer, je me retournai, mais, à ma grande surprise, un inconnu me poursuivait. J'aperçus un homme de taille moyenne, mince, élancé, blond, la figure rasée, âgé de 35 ans environ, vêtu d'un complet gris et coiffé d'un chapeau de paille. Il portait sur le dos la boîte en fer blanc des naturalistes et tenait à la main un grand filet vert à papillons. « Je vous prie d'excuser mon indiscrétion, docteur Watson, dit-il en s'arrêtant tout haletant devant moi. Sur la lande, pas des besoins des présentations ordinaires. Mortimer, notre ami commun, a dû vous parler de moi. Je suis Stapleton de Murray Pitt House. Ah, votre filet et votre boîte me l'auraient appris, répliquai-je, car je sais que M. Stapleton est un savant naturaliste. Mais comment me connaissez-vous? Ben, je suis allé faire une visite à Mortimer et, tandis que nous passiez sur la route, il vous a montré à moi par la fenêtre de son cabinet. Comme nous suivions le même chemin, j'ai pensé que je vous rattraperais et que je me présenterais moi-même. J'aime à croire que le voyage n'a pas trop fatigué, Sir Henry. Non, merci, il est en excellente santé. Tout le monde ici redoutait qu'après la mort de Sir Charles, le nouveau baronnet ne vint pas habiter le château. C'est beaucoup, demander à un homme jeune et riche de s'enterrer dans un pareil endroit. Et je n'ai pas à vous dire combien cette question intéressait la contrée. Sir Henry, je suppose, ne partage pas les craintes superstitieuses du populaire. Oh, je ne pense pas. Vous connaissez certainement la légende de ce maudit chien que l'on accuse d'être le fléau de la famille. Oui, on me l'a conté. Oh, les paysans de ces parages sont extraordinairement crédules. Beaucoup juraient avoir rencontré sur la lande ce fantastique animal. Stapleton parlait, le sourire sur les lèvres, mais il me sembla lire dans ses yeux qu'il prenait la chose plus au sérieux. Il reprit. « Oh, cette histoire hantait l'imagination de Sir Charles, et je suis sûr qu'elle n'a pas été étrangère à sa fin tragique. » Comment cela? Ses nerfs étaient tellement exacerbés que l'apparition d'un chien quelconque devait produire un effet désastreux sur son cœur mortellement atteint. J'imagine qu'il a réellement vu quelque chose de ce genre dans sa dernière promenade le long de l'allée des Ifs. J'appréhendais sans cesse un malheur, car j'aimais beaucoup Sir Charles, et je lui savais le cœur très malade. Comment l'aviez-vous appris? Ben, par mon ami, le docteur Mortimer. Alors, vous croyez qu'un chien a poursuivi Sir Charles et que la peur a occasionné sa mort? Pouvez-vous me fournir une meilleure explication? Il ne m'appartient pas de conclure. Quelle est l'opinion de M. Sherlock Holmes? Pendant quelques secondes, cette question me coupa la parole. Mais un regard sur la figure placide et sur les yeux assurés de mon compagnon me montra qu'elle ne cachait aucune arrière-pensée. Nous essayerions vainement de prétendre que nous ne nous connaissions pas, docteur Watson, continua Stapleton. Les hauts faits de votre ami, le détective, sont parvenus jusqu'à nous et vous ne pouviez les célébrer sans nous rendre vous-même populaires. Lorsque Mortimer vous a nommé, j'ai aussitôt établi votre identité. Vous êtes ici parce que M. Sherlock Holmes s'intéresse à l'affaire et je suis bien excusable de chercher à connaître son opinion. Mais je regrette n'être pas en mesure de répondre à cette question. Puis-je au moins vous demander s'il nous honorera d'une visite? D'autres enquêtes le retiennent à la ville en ce moment. Quel malheur! Il gèlerait un peu de lumière sur tout ce qui reste si obscur pour nous. Quant à vos recherches personnelles, Si vous jugez que je vous sois de quelque utilité, j'espère que vous n'hésiterez pas à user de moi. Si vous m'indiquez seulement la nature de vos soupçons ou de quel côté vous alliez pousser vos instigations, il me serait possible de vous donner dès maintenant un avis ou une aide. Oh, je vous affirme que je suis simplement en visite chez mon ami Sir Henry et que je n'ai besoin d'aide d'aucune sorte. Parfait, dit Stapleton. Vous avez raison de vous montrer prudent et circonspect. Je regrette de vous avoir adressé cette question indiscrète, et je vous promets de m'abstenir dorénavant de la plus légère allusion à ce sujet. Nous étions arrivés à un endroit où un étroit sentier, tapissé de mousse, se branchait sur la route pour traverser ensuite la lande. Sur la droite, un monticule escarpé, caillouteux, avait dû être exploité autrefois comme carrière de granit. Le versant qui nous faisait face était taillé à pic. Dans les anfractuosités de la roche poussaient des fougères et des ronces. Dans le lointain, un panache de fumée montait perpendiculairement dans le ciel. « Quelques minutes de marche dans ce sentier perdu nous conduiront à Merripit House, » dit Stapleton. « Voulez-vous me consacrer une heure? Je vous présenterai à ma sœur. » Mon premier mouvement fut de refuser. Mon devoir me commandait de retourner auprès de Sir Henry. Mais je me souvins de l'amas de papier qui recouvrait sa table et je me dis que je ne lui étais d'aucun secours pour les examiner. D'ailleurs, Holmes ne m'avait-il pas recommandé d'étudier tous les habitants de la lande? « Quel endroit merveilleux que la lande !» dit mon compagnon en jetant un regard circulaire sur les ondulations de la montagne qui ressemblaient à de gigantesques vagues de granit. « On ne se lâche jamais du spectacle qu'elle offre à l'œil de l'observateur. Vous ne pouvez imaginer quels secrets étonnants cachent cette solitude. » Elle est si vaste, si dénudée, si mystérieuse. Ah, vous la connaissez donc bien. Je ne suis ici que depuis 2 ans. Les gens du pays me considèrent comme un nouveau venu. Nous nous y installâmes peu de temps après l'arrivée de Sir Charles. Mes goûts me portèrent à explorer la contrée jusque dans ses plus petits recoins. Je ne pense pas qu'il existe quelqu'un qui la connaisse mieux que moi. « Est-ce donc si difficile ?»« Oh, très difficile !»« Voyez-vous, par exemple, cette grande plaine là-bas, vers le nord, avec ses proéminences bizarres ?»« Qui trouvez-vous de remarquable ?»« On y piquerait un fameux galop ?»« Naturellement, vous deviez me répondre cela. »« Mais que de vie humaine, cette erreur n'a-t-elle pas déjà coûté ?» Apercevez-vous ces places vertes disséminées à sa surface? Moi, le sol paraît y être plus fertile. Stapleton se mit à rire. C'est la grande fondrière de Grimpen, fit-il. Là-bas, un faux pas conduit à une mort certaine, homme ou bête. Pas plus tard qu'hier. J'ai vu s'y engager un des chevaux qui errent sur la lande. Il n'en est plus ressorti. Pendant un moment, sa tête s'est agitée au-dessus de la vase, puis le bourbier l'a aspiré. On ne la traverse pas sans danger dans la saison sèche. Mais après la saison d'automne, l'endroit est terriblement dangereux. Et cependant, je puis m'y promener en tous sens et en sortir sans encombre. « Tenez, voilà encore un de ces malheureux chevaux. » Une forme brune allait et venait au milieu des ajoncs. Tout à coup, une encolure se dressa, en même temps qu'un hennissement lugubre réveilla tous les échos de la lande. Je me sentis frissonner de terreur, mais les nerfs de mon compagnon me parurent beaucoup moins impressionnables que les miens. « C'en est fini, me dit-il. » La fondrière s'en est emparée. Cela fait 2 en 2 jours. Et ils se seront suivis de bien d'autres. Pendant la sécheresse, ils ont l'habitude d'aller brouter de ce côté Et lorsqu'ils s'aperçoivent que le sol est devenu moins consistant, la fondrière les a déjà saisis. Et vous dites que vous pouvez vous y aventurer? Oui, il existe un ou deux sentiers dans lesquels un homme courageux peut se risquer. Je les ai découverts. Et quel désir vous poussait donc à pénétrer dans un lieu si terrible? Regardez ces monticules au-delà. Ils représentent de vrais îlots de verdure découpés dans l'immensité de la fondrière. C'est là qu'on rencontre les plantes rares et les papillons peu communs. Si le cœur vous dit d'aller les y chercher, quelques jours, j'essaierai. Stapleton me regarda avec étonnement. Oh, nom du ciel! S'écria-t-il, abandonnez ce funeste projet. Je vous affirme que vous n'avez pas la plus petite chance de vous tirer de là vivant. Je n'y parviens qu'en me servant de point de repère très compliqué. Hein? Fis-je. Et qu'y a-t-il encore? Un long gémissement, indiciblement triste, courut sur la lande. Bien qu'il eût ébranlé l'air, il était impossible de préciser d'où il venait. Commencé sur une modulation sourde, semblable à un murmure, il se changea en un profond rugissement pour finir en un nouveau murmure mélancolique, poignant. Curieux endroit, la lande, répéta Stapleton. Qu'était-ce donc? Oh, le paysan prétend que c'est le chien des Baskerville qui hurle pour attirer sa proie. Je l'ai déjà entendu une ou deux fois, mais jamais aussi distinctement. Avec un tressaillement de crainte au fond du cœur, je regardais cette vaste étendue de plaine, moucheté de larges taches vertes formées par les ajoncs. Sauf deux corbeaux qui croassaient lugubrement sur la cime d'un pic, une immobilité de mort régnait partout. « Vous êtes un homme instruit, dis-je, vous ne pouvez croire à de pareilles balivernes. À quelle cause attribuez-vous ce bruit étrange ?» Les fondrières rendent parfois des sons bizarres, inexplicables. La boue se tasse, l'eau sourd ou quelque chose. Ah non, non, non, non, répondis-je, c'était une voix humaine. Peut-être bien, répondit Stapleton. Avez-vous jamais entendu s'envoler un butor? Non, jamais. C'est un oiseau très rare, à peu près complètement disparu de l'Angleterre. Mais dans la lande, rien n'est impossible. Oui, je ne serais pas étonné d'apprendre que c'est le dernier cri du dernier butor qui vient de frapper nos oreilles. Quel bruit étrange! Oh, ce pays est plein de surprises. Regardez le flanc de la colline. Que croyez-vous apercevoir? Je vis une vingtaine de tas de pierres grises amoncelés circulairement. Oh, je ne sais pas, des abris de bergers? Non! Nos dignes ancêtres habitaient là. L'homme préhistorique vivait sur la lande, et comme depuis cette époque, personne ne l'a imité, nous y retrouvons encore presque intacts les vertiges de son passage. Ceci vous représente des wigwams recouverts de leur toiture. Si la curiosité vous prenait de les visiter, vous y verriez un foyer et une couchette. On dirait une petite ville. À quelle époque était-elle peuplée? L'homme néolithique, où la date nous manque. Que faisait-il? Il menait paître son troupeau sur les pentes, et lorsque les armes de bronze remplacèrent les haches de pierre, il fouillait les entrailles de la terre à la recherche du zinc. Voyez cette grande tranchée sur la colline opposée. Voilà la preuve de ce que j'avance. Oh, vous rencontrerez le bien curieux sujet d'étude sur la lande. Oh, excusez-moi un instant, docteur Watson. C'est sûrement un cyclopelte. Un petit insecte avait traversé le chemin et Stapleton s'était aussitôt élancé à sa poursuite. À mon grand désappointement, la bestiole vola droit vers la fondrière et ma nouvelle connaissance, bondissant de touffe en touffe, courait après elle, son grand filet vert se balançant dans l'air. Ses vêtements gris, sa démarche irrégulière, sautillante, saccadée, le faisait ressembler lui-même à une gigantesque phalène. Je m'étais arrêté pour suivre sa chasse, et j'éprouvais un mélange d'admiration pour son extraordinaire agilité et de crainte pour le danger auquel il l'exposait dans cette perfide fondrière. Un bruit de pas me fit retourner, une femme s'avançait vers moi dans le chemin. Elle venait du côté où le panache de fumée dénonçait l'emplacement de Mary Pithouse. Mais la courbure de la lande l'avait cachée à mes yeux jusqu'au moment où elle se trouva près de moi. Je reconnus en elle Miss Stapleton, dont on m'avait parlé. Cela me fut aisé, car indépendamment du petit nombre de femmes qui vivent sur la lande, on me l'avait dépeinte comme une personne d'une réelle beauté. La femme qui s'approchait de moi répondait au portrait qu'on m'avait tracé de la sœur du naturaliste. Impossible de concevoir un plus grand contraste entre un frère et une sœur. Stapleton était quelconque avec ses cheveux blonds et ses yeux gris, tandis que la jeune fille avait ce teint chaud et brune si rare en Angleterre. Son visage, un peu altier mais finement modelé, aurait paru impassible dans sa régularité sans l'expression sensuelle de la bouche et la vivacité de deux yeux noirs largement fendus. Sa taille parfaite, moulée dans une robe de coupe élégante, la faisait ressembler, sur ce chemin désert, à une étrange apparition. Au moment où je me retournais, elle regardait son frère. Alors elle hâta le pas. J'avais ôté mon chapeau et j'allais prononcer quelques mots d'explication lorsque ces paroles imprimèrent une autre direction à mes pensées. « Allez-vous-en » s'écria-t-elle, « retournez vite à Londres !» Si grande fut ma surprise que j'en demeurai stupide. Et me regardant, ses yeux brillaient et son pied frappait le sol avec impatience. « Mais pourquoi m'en aller ?» demandai-je. Je ne puis vous le dire. » Elle parlait d'une voix basse, précipitée, avec un léger grasseillement dans la prononciation. Elle reprit. « Pour l'amour de Dieu, faites ce que je vous recommande. Retournez vite et ne remettez jamais plus les pieds sur la lande. » « Mais j'arrive à peine. » « Mais pourquoi ne tenir aucun compte d'un avertissement dicté par votre seul intérêt? Retournez à Londres, partez ce soir même, fuyez ces lieux à tout prix, prenez garde. Voici mon frère, pas un mot de ce que je vous ai dit. Soyez donc assez aimable pour me cueillir cette orchidée là-bas. La lande est très riche en orchidées, vous en jugerez par vous-même. Bien que vous soyez venu à une saison trop avancée pour jouir de toutes les beautés de la nature. » Stapleton avait renoncé à sa poursuite et retournait vers nous, essoufflé et le teint coloré par la course. « Eh bien, Meryl, » dit-il. Il me sembla que le ton de cette interpellation manquait de cordialité. « Vous avez bien chaud, Jacques. » « Oui, je poursuivais un cyclopète. Ils sont très rares, surtout à la fin de l'automne. Quel malheur de n'avoir pu le rattraper !» Il parlait avec un air dégagé, mais ses petits yeux gris allaient sans cesse de la jeune fille à moi. « Oh, je vois que les présentations sont faites, » continua-t-il. « Oui, je disais à Sir Henry qu'il était un peu tard pour admirer les beautés de la lande. » « À qui penses-tu donc parler ?»« À Sir Henry Baskerville. Non, me récriai-je vivement, pas un seul Henri, mais un simple bourgeois, son ami. Je me nomme le docteur Watson. Une expression de contrariété passa sur le visage de Miss Templeton. Nous avons joué aux propos interrompus, dit-elle. Vous n'avez pas eu le temps d'échanger beaucoup de paroles, demanda son frère, avec son même regard interrogateur. Mais j'ai causé avec le docteur Watson, comme si au lieu d'un simple visiteur, il eût été un habitant permanent de la Valande. Que peut lui importer que la saison soit trop avancée pour les orchidées? Nous ferez-vous le plaisir de nous accompagner jusqu'à Mellipit House? Ajouta le naturaliste en se tournant vers moi. Quelques instants après, nous arrivions à une modeste maison ayant autrefois servi d'habitation à un herbager de la lande, mais que l'on avait réparé depuis et modernisé. Un verger l'entourait. Les arbres, comme tous ceux de la lande, s'étaient rabougris et pelés. L'aspect de ce lieu remplissait l'âme d'une vague tristesse. Nous fûmes reçus par un vieux bonhomme qui paraissait monter la garde autour de la maison. À l'intérieur, les pièces étaient spacieuses et meublées avec une élégance qui trahissait le bon goût de la maîtresse de la maison. Tandis que, par la fenêtre entr'ouverte, je jetais un coup d'œil sur le paysage sauvage qui se déroulait devant moi, je me demandais quelle raison avait amené dans ce pays perdu cet homme d'un esprit cultivé et cette superbe créature. Singulier endroit pour y planter ta tente, n'est-ce pas, fit Templeton, répondant ainsi à ma pensée. Et cependant, nous nous sommes arrangés pour y être heureux, pas vrai, Beryl? Très heureux, répliqua la jeune fille, dont le ton me parut toutefois manquer de conviction. Je dirigeais jadis une école, continua Stapleton, dans le nord de l'Angleterre. Pour un homme de mon tempérament, la besogne était trop machinale et trop dépourvue d'intérêt. Mais j'aimais à vivre ainsi au milieu de la jeunesse, à façonner ces jeunes intelligences à ma guise et à leur inculquer mes idées et mes préférences. La malchance s'en mêla, une épidémie se déclara dans le village et 3 enfants moururent. Mon établissement ne se releva jamais de ce coup et la majeure partie de mes ressources se trouva engloutie. Si je ne regrettais pas la charmante compagnie de mes écoliers, je me réjouirais de cet incident. Avec mon amour immodéré pour la botanique et la zoologie, je rencontrerais facilement et plutôt difficilement un champ plus ouvert à nos recherches, car ma sœur est aussi éprise que moi les choses de la nature. Ceci, docteur Watson, répond à une question que j'ai lue sur votre visage pendant que vous regardiez sur la lande. Oui, je me disais en effet que ce séjour devait être bien triste, sinon pour vous, du moins pour votre sœur. Non, dit vivement Miss Templeton, non, je ne connais pas la tristesse. Nous avons nos études, nos livres, nos bons voisins, paraphrasa mon hôte. Le docteur Mortimer est un véritable savant. Puis nous possédions, dans ce pauvre Sir Charles, un délicieux compagnon. Nous l'apprécions beaucoup et nous ressentons plus que je ne puis le dire le vide causé par sa mort. Serais-je indiscret en me présentant cet après-midi au château pour rendre visite à Sir Henry? Oh, je suis sûr que lui ferait le plus grand plaisir. Alors, prévenez-le de ma venue. Nous nous emploierons de tout notre pouvoir pour qu'il s'habitue ici. Désirez-vous, docteur Watson, visiter ma collection de lépidoptères? Je ne crois pas qu'il en existe de plus complète dans tout le sud de l'Angleterre. Pendant que vous l'admirerez, on vous préparera un lunch. J'avais hâte de reprendre auprès de Sir Henry mes fonctions de garde du corps. D'ailleurs, la solitude de la lande, la mort du malheureux cheval aspiré par la fondrière, le bruit étrange que le public associait à l'horrible légende des Baskerville, tout cela m'étreignait le cœur. J'ajouterai encore l'impression produite par l'avis de Miss Templeton, un avis si précis et si net que je ne pouvais l'attribuer qu'à quelques graves raisons. Je résistais donc à toutes les instances de mon hôte et je repris par le même étroit sentier le chemin du château. Mais il devait exister un raccourci connu des habitants du pays, car avant que j'eusse rejoint la grande route, je fus très étonné de voir Miss Templeton assise sur un quartier de roche au croisement de deux voies. Elle avait marché très vite et la précipitation de la course avait empourpré ses joues. « J'ai couru de toutes mes forces afin de vous devancer, me dit-elle. J'ai même pas pris le temps de mettre mon chapeau. Je ne m'arrête pas. Mon frère s'apercevrait de mon absence. Je voulais vous dire combien je déplorais la stupide erreur que j'ai commise en vous confondant avec Sir Henry. Oubliez mes paroles, elles ne vous concernent en rien. » « Mais comment les oublierai-je, Miss Templeton, répliquai-je. Je suis l'ami de Sir Henry, et le souci de sa sécurité m'incombe tout particulièrement. Apprenez-moi pourquoi vous souhaitiez si ardemment qu'il retournât à Londres. » Caprice de femme, docteur Watson. Lorsque vous me reconnaîtrez davantage, vous comprendrez que je ne puisse pas toujours fournir l'explication de mes paroles ou de mes actes. Non, non. Je me rappelle le frémissement de votre voix, l'expression de votre regard. Non, je vous en prie, je vous en supplie. Soyez franche, Miss Templeton. Depuis que j'ai posé le pied sur ce pays, je me sens environné de mystères. La vie sur la lande ressemble à la fondrière de Grimpen. Elle est parsemée d'îlots de verdure auprès desquels l'abîme vous guette et aucun guide ne saura vous éloigner du danger. Que vouliez-vous dire? Apprenez-le-moi, et je vous promets de communiquer votre avertissement à Sir Henry. Pendant une minute, un combat se livra dans l'âme de la jeune fille. Toutefois, ses traits avaient repris leur expression résolue lorsqu'elle me répondit « Oh, vous prêtez à mes paroles plus d'importance qu'elles n'en comportent. La mort de Sir Charles nous a très vivement impressionnés, mon frère et moi. Nous étions très liés. Sa promenade favorite consistait à se rendre chez nous par la lande. Cette espèce de sort qui pesait sur sa famille hantait son cerveau. Et lorsque se produisit le tragique événement, je crus ses craintes fondées jusqu'à un certain point. Quand on annonça qu'un nouveau membre de la famille Baskerville allait habiter le château, mes appréhensions se réveillèrent et j'ai pensé bien faire en le prévenant du danger qu'il courait. Voilà le mobile auquel j'ai obéi. Mais quel est ce danger? Ben, vous connaissez bien l'histoire du chien. Oh, je n'ajoute aucune fois à de pareilles absurdités. J'en ajoute, moi. Si vous possédez quelque influence sur Sir Henry, emmenez-le loin de ce pays qui a déjà été si fatal à sa famille. Le monde est grand. Pourquoi s'obstinerait-il à vivre au milieu du péril? Précisément, parce qu'il y a du péril. Sir Henry est ainsi fait. Je crains qu'à moins d'un avis plus motivé que celui que vous m'avez donné, il me soit impossible de le déterminer à partir. Je ne puis vous dire autre chose, je ne sais rien de précis. Me permettez-vous de vous adresser une dernière question, Miss Templeton? Quand vous m'avez parlé tout à l'heure, puisqu'il vous était impossible de m'en apprendre davantage, pourquoi redoutez-vous tant que votre frère ne vous entendît? Il n'y avait rien dans vos paroles que ni lui ni personne d'ailleurs ne put écouter. Mon frère désire que le château soit habité, Il estime que le bonheur des pauvres gens de la lande l'exige. Tout avis poussant Sir Henry à s'éloigner leur aimait rencontrer. J'ai accompli maintenant mon devoir et je n'ajouterai plus un mot. Je retourne vite à la maison pour que mon frère ne se doute pas que nous avons causé ensemble. Adieu. Miss Templeton reprit le chemin par lequel elle était venue, tandis que, le cœur oppressé de vagues alarmes, je continuais ma route vers le château.